Chapitre 40. Page 267. Exercice 4. 1. Ce film a des décors spectaculaires. Je me demande quel en a été le budget. Ça a dû coûter une fortune. 2. J'ai reconnu la voix de ce grand acteur. C'est lui qui fait le commentaire pendant le documentaire. 3. Tu as vu cette photo? C'est assez drôle d'avoir remplacé le visage des acteurs par ceux de certains hommes politiques. 4. Oh, quel talent! Ces scénarios sont toujours très bien conçus et très travaillés. 5. Voyons, qu'est-ce qu'on en dit? Croisée des destins, chronique familiale dans une petite ville de province. Bon, on ira peut-être le voir. 6. Tu sais que j'ai reconnu notre voisin dans le film? Il montait dans le bus derrière l'acteur principal.